Le troisième tournoi national des matchs de football cadet vient d'être clôturé. Le 4 courant, il y a eu les finales des footballs masculins et féminins à la cour de la colonie de vacances internationale de Sandowon. Les équipes de Pyongyang se sont toutes classées premières. Au terme des matchs, il y a eu la cérémonie de clôture en présence des officiels intéressés, des joueurs et d'autres vacanciers.